1, ok. Le son des Halls, volume 2, Tarteret Music, yeah. Un démo. Écoute ça, yeah. 9, 1, ouais, ouais, ouais. Tarteret Zo. C'est le son des Halls volume 2. Tiens, coup de flash ball dans les dents. Tu m'as reconnu, c'est farceur, l'MC percutant. Toujours dans les dents. Ancien de la place, fête de la place. Ou des mâchoires, je déplace. Accompagné de ma clique, Tarteret Music. Ouais, je vois qu'est-ce qui se passe. Y'a pas de flow sans nous, pas de keuf en sang sans le zoo. Tu peux avoir confiance en nous, les traites, on les enfile chez nous. Y'a quoi avoir le sourire aux lèvres. Les jaloux chopent la crève. C'est pas la grippe A, mais la grippe Z, double zéro. C'est la goutte qui fait déborder le studio. Y'aura des morsures sur les murs du studio. Je laisse des traces de morsures. Le microphone, je le torture. Je reste trop vif, mais la pression. Comme une ceinture explosive, rappeur kamikaze. Bac la bac, écoute mon rap, et que sur ma tête y'a un contrat. Et si les flics me bêtent, c'est que derrière moi y'a eu un contact. Lorsque je frappe, la rime se claque, les titres ils battent. Tu vois tout plat comme c'est pas tout en vert, c'est pas carré. Tu vois, c'est trop de pas l'ami. Le rap n'est pas à l'abri, mes textes écrits sur de la brique. Ok, appelle-moi Salafrique, mon peuple a foutu la panique. C'est Tarteret Music pour un putain de son déo. Appelle-moi rappeur mécanique, les rappeurs fouillent, y'en a ras-le-bol. Vas-y, fais péter le son comme un bolet, branche-moi ta sono. Pour tous nos frères en tôle, une spéciale pour Caligno. J'arrive à la fin de mon tour. Laisse ma place au prochain KO. C'est monsieur Sprite la pioche en direct pour un démo. J'suis bad bad cramé avec ma dégaine. J'veux ma pay. La rime crime dans les gènes. Anti-voyous qui font de la peine. C'est le son des Halls, remets ça. C'est chant mais donc j'enchaîne. Votre rap en mode chat. Pour mettre en place fallait qu'on revienne. J'donne ça salement. Même sous pression, pas besoin de vocalement. J'viens prendre ma dose sans permission. J'arrache vocalement. C'est ça mais à bombardement. J'largue un douce de bâtard. C'est le bédo après une gardave. Après si bazar. Un son de vis là à la base. Qui plaide coupable à la part. Déterre quand j'pose. Dis-toi que j'viens pas kicker. Par hasard, j'ai le mauvais filon dans la rétine. Mon frère, je te précise, y allez, je t'ai fait signe. On risque de comparaître aux assises. Je fais pas de complexe entre une pute et un pote. Je fais pas de copec dans le busy, peu importe. Je veux pas la pute pour un pote, des copecs ou le busy. Faut pas déconner tout, je mets la coupe ici. Je suis une cible, peu de gens autour de moi si ça pète. Pour le peu que j'ai, en autonomie, je t'explique. Je fais pas de crochette, juste je respire en espèces. Je fais pas mon hoche, je suis un faux gentil, je reste bis. Je fais pas la ragra du style vide tes poches. J'ai pas de parcours, y'a pas de tabou, ta bouche. J'ai pas la débauche ou le beau comme les mecs branchés. Moi, plutôt marron kaki comme les mecs détranchés. J'ai pas de porte à porte sur des beats prod. Trop d'amour propre pour avancer en suçant des beats en beat, bordel. J'ai pas le pickpocket, trop de respect comme Big Brother. Plein ceux qui violent les vieilles atteintes d'arthrite, bordel. J'ai pas l'immortel, l'immature ni la victime. Trop d'injustice en plein règne de l'omerta. J'ai pas de détails, non. Faire tapis mémorable sous Viagra devient grave, y'a trop de booty books sans gravier. J'ai pas des gars, un trap maga et tectonique. Amateur de rap, crade trop de texte, en crève la gueule. Rap thug, animal thug, rapplique à ceux qui mettent de l'huile. J'fais pas de rap free, c'est du rap flow. Ok, de la Vécha. Et quand t'as pas pigé le jeu, son des halls, viens kiffer le 2. Tu veux la qualité, le monsieur, viens par là, j'vais te viser, monsieur. C'est la passe, oui, c'est le sous son papa. Nick et miss, quand j'viens à agiter mon zep et mes balles de tennis, on va donner ça. Bis, quand t'avales, ça donne un accent. Tu connais la suite, j'suis pas là pour rien, j'suis là pour. Les bifs, la maille, tu sais tout ce qui rapporte à Cryer. Ouais, tout ce qui t'amène les Briers, les chattes et puis les Cayennes. C'était tartare, ferme ta porte, mais nous on t'a prévenu, on rentre. Y'aura pas fort car à chaque fois j'lui mets ce qu'on finit en cloche. Nique ton rap grave, mes frères le savent. Menu c'est poulet crié, à la sauce soupe pour la sable. On prend des risques, fais du pif dans la trip en cachette. Fini les têtes, tout le monde t'édoit la gâchette. Imbécile, moi j'perds un cas avec des flots qui découpent. Me casse pas les couilles ou j't'encule toi et ta troupe. 2010 sont des halls, on est venu casser des bouches. Dans le mille on vous touche à des mots, sort les cartouches. C'est une boucherie, les ricages, les courailles. Sans faire détail, dégage, petit trou de balle, y'a pas de place pour les ratailles. Fais pas la racaille, j'arrache sans faire détail. J'aime trop quand j'défouraille, j'répète gros tes batailles. J'ai une dague de bâtard, faites la place sur la table. On est venu pour tout drive sur la table, allonger la maille. MC ça fait quoi d'être acteur? J'suis venu là pour le rap avec mon tracteur. Chef de chantier, dans le rap c'est la crise. Certains MC roulent sans carte grise. Authentique, violent et ma nouvelle secousse. Que les MC qui ont entendu la nouvelle se poussent. Tarteret, une équipe complète. Alors s'il te plaît, nous parle pas de compète. On a la dalle, un peu comme Béatrice. La dalle surtout devant de vraies actrices. Personne nous endort, même pas une berceuse. On va faire notre trou avec une perceuse. Tarteret Music, yeah, écoute ça. Tarteret Music, yeah, écoute ça. Gros, 9-1, 9-1, Tarteret Zo.